إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc alhamdulillah, je suis content en fait d'être avec vous aujourd'hui. Et puis yani, c'est une opportunité yani très grande. Et puis en fait, en même temps, avant de commencer dans le sujet que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, j'aimerais en même temps vous donner un genre de rappel, puis une nasiha générale, ok, puis inchallah ce sera bénéfique pour chacun d'entre nous, bi'idhnillah. Et c'est que, yani, en même temps, je suis content de vous rencontrer, je suis content de vous voir, alhamdulillah, mais en même temps, je suis triste d'un certain point de vue, et c'est de voir que, masha'Allah, vous êtes nombreux, hein, vous êtes jeunes, vous avez beaucoup de potentiel, et puis, yani, vous êtes dans un pays où les musulmans sont ici nombreux, et qui sont implantés depuis très longtemps, parfois même depuis plusieurs générations, et de voir que vous êtes malheureusement si peu organisé. Et ça, en même temps, c'est quelque chose qui rend un peu triste, en fait. En particulier que, yani, cette da'wa, c'est da'watul haqq. La da'wa salafiyya, la da'wa au kitab et à la sunna, et à la compréhension de ces deux fondements de notre religion, selon la compréhension des salafs de cette umma, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et donc qu'est-ce qu'on remarque, c'est ça, c'est de voir que malheureusement on n'a pas encore pour les frères un lieu de rencontre, soit une marquise ou une mosquée où vous pouvez être en charge de vos activités et de la propagation de la science et yani, de l'éducation de la Ummah et de la communauté qui est ici en Bordeaux, ou bien que ce soit à Paris, parce que j'ai vu que là-bas, yani, souvent c'est la même situation, et yani, dans plusieurs autres villes. Et les commentaires que j'ai de la part des frères, à chaque fois c'est toujours les mêmes commentaires, c'est difficile, etc. Et pour certains, parmi les frères salafis ici en France, on a l'impression que comme s'ils ont une attitude envers la da'wa salafia, comme si c'était quelque chose qui était illégal ici en France, ou comme si c'était quelque chose de clandestin, ou comme si quelque chose était quelque chose de privé. Et alors que au contraire, c'est la da'wa à laquelle on appelle, c'est la da'wa à l'islam dans toute sa pureté, dans toute sa clarté. C'est la da'wa qui dénonce toutes les formes d'extrémisme et d'égarement, de déviation que les jeunes bid'a ont rapporté. Si vous regardez tout ce qui appelle au terrorisme aujourd'hui, qui appelle à faire des actes de violence, à tuer ou à détruire les choses qui appartiennent aux gens, qui sont innocents, eh ben, on voit que c'est les ulama de cette da'wa qui ont fait le plus grand effort dans cette tâche-là, et dans ce travail-là, de dénoncer tout ce qui est fait dans toutes les catégories, dans toutes les formes d'extrémisme, peu importe quelle forme d'extrémisme ça peut être, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans l'ibadat, que ce soit dans les mu'amalat, que ce soit dans yani, les actions, notre attitude vis-à-vis des kuffars, on voit toujours que c'est les ulama de cette da'wa qui sont en réalité les vrais ulama, ulama rabbaniyin, et bien c'est eux qui ont dénoncé cette forme-là. Tandis que les autres qui sont par exemple en contrôle des mosquées ici et qui appartiennent à d'autres mouvances comme les Ikhwan ou des autres tendances de ce genre, et bien on voit que les fondateurs de ces différents groupes qui existent dans la Oumma actuellement, ce sont eux qui sont derrière toutes les tendances extrémistes et qui poussent ces tendances-là et qui les encouragent directement ou indirectement sous différents couverts. Et donc nous, en tant que salafis, alhamdulillah, on n'a aucune raison d'avoir honte, de se cacher, de faire les choses en secret. Cette da'wah, c'est une da'wah claire et elle doit être exprimée et clarifiée aux gens, parce que la plupart des gens ils ne savent pas ce qu'elle est, cette da'wah. Donc, d'accord? Et la seule chose que les gens demandent, c'est de la connaître. Il y a beaucoup de gens qui voudraient connaître cette da'wah, qui voudraient la comprendre. Et le problème, pourquoi ils sont parfois contre cette da'wah, c'est dû à l'ignorance. En grande majorité, c'est dû à l'ignorance. Certains, pour certains, bien entendu, c'est pas l'ignorance, c'est le hawa, c'est la passion, c'est le dédain, qui sont attachés à certaines choses, et à cause de ça, ils refusent de l'accepter. Toutefois, quelqu'un qui est ignorant, mais qui est sincère et qui aime la vérité, si on lui explique et qu'on lui clarifie les choses d'une façon bien expliquée, ils vont l'accepter. Et ils vont rien trouver dans leur cœur d'opposition au Coran et à la Sunna dans cette da'wah. D'accord? Donc, je vous demande, mes frères, d'essayer de vous arranger entre vous, pour essayer de voir que vous avez une responsabilité sur vous. Premièrement, d'essayer de y aller, parce que la première chose, la chose la plus fondamentale, c'est l'ilm. L'ilm du kitab ou sunna, d'acquérir le plus de connaissances possible. L'arabiya, la langue arabe, parce que c'est le contact, c'est la clé qui nous ouvre le Coran et la sunna. Ça c'est en premier, c'est une des plus grandes importances. Ensuite, d'étudier cette religion, kitab ou sunna, et si vous êtes capable, certains d'entre vous, de faire des demandes d'application, soit pour aller étudier à Al-Madinah ou une autre des universités qui est là-bas en Arabie Saoudite, vous faites la demande, et puis vous mettez votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous faciliter les choses. Si vous ne pouvez pas aller à Al-Madinah, il y a au Yémen plusieurs écoles maintenant, et il y a le centre à Damaj, il y a d'autres endroits où vous pouvez essayer d'aller pour étudier cette religion. Et ça c'est fondamental parce que cette da'wah, elle est établie sur le ilm. Et c'est ça qui distingue cette da'wah par rapport à toutes les autres da'wah, parmi les autres da'wah qui sont établies sur le jahl et sur le hawa. Ça c'est fondamental. Avoir une établir entre vous et les ulama des liens, essayer d'organiser des cours ou des activités pour essayer de toujours établir ce lien entre vous et les ulama pour que vous ayez toujours une compréhension qui vient directement de la source, directement contacter les ulama si vous avez des désaccords ou des problèmes entre vous, pour éviter les fitan, pour éviter les problèmes et les discordes. Chaque fois que vous voyez que vous avez des problèmes entre vous, des discordes ou des désaccords, au lieu de faire agrandir le problème, ramener les problèmes aux ulama, demander aux ulama de les clarifier et de régler ces problèmes-là entre vous. Coopérer avec d'autres frères salafis de d'autres régions de la France, parce qu'il y en a partout, dans toutes les villes, il y a des groupes de frères qui sont sur ce manhaj, et sur cette da'wah. Donc c'est important qu'il y ait entre vous de la coopération. Des fois on voit que Yanni dans un quartier, et dans un autre quartier, il y a des salafis, ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, ils ne coopèrent pas entre eux. Et donc ça nuit à cette da'wah. Et ça c'est quelque chose qui ne peut pas être positif, parce que ça ne peut pas aider à cette da'wah d'avancer. D'accord? Donc ça c'est des points, des grandes lignes en fait, que j'essaie de juste de vous donner comme nasiha, Yanni, avant de commencer, parce que ça fait partie des choses que j'ai constatées depuis mon arrivée ici en France. Les frères où j'étais allé à Bruxelles, mashallah, ils sont, bon, ceux que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas très très nombreux, mais quand même, je sais qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas là. Mais je sais que, alhamdoulilah, les frères, ils ont commencé une petite étape, ils se sont procurés un petit local, et puis ils sont capables dans ce local-là de se réunir et de faire des durous et d'inviter quelques machaikh lorsque les shuyukh ils viennent, ils vont être capables d'avoir un endroit où ils peuvent se réunir puis étudier avec eux. Maintenant même alhamdulillah grâce à yani Allah subhanahu wa ta'ala puis ensuite à l'effort des frères, eh ben on voit que Allah peut-être qu'il a mis cette baraka là-dedans du fait que certains frères ont assisté aux durous qu'on a donné là-bas et ils ont trouvé que c'était intéressant et parmi eux il y avait un qui était parmi les hizbiyyins qui a écouté les durous et qui a dit oui qu'est-ce que vous faites votre da'wah et vos durous et votre façon d'enseigner l'islam ça c'est le haq et ils ont dit moi j'ai on a un local on a une mosquée on avait une mosquée elle était fermée si vous la voulez on va la mettre à votre disponibilité et donc maintenant alhamdoulilah les frères ils s'organisent maintenant ils vont avoir cet endroit là et ça va être une mosquée. Et ça c'est très important parce que vous pouvez pas dire nous on est sur semaine Hajj, on suit la voie des salafs et toutes les mosquées qui sont autour de vous c'est contrôlé et dirigé par les hizbiyyin. Quand vous allez faire la salatul jumwa, la khutbah que vous allez écouter c'est une khutbah qui est remplie de bid'ah, une khutbah qui est remplie de contradictions au Coran et la sunna et vous vous êtes assis là, vous écoutez, vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire. Donc c'est comme si vous êtes en train de subir yani, toute cette yani, situation-là, et vous voyez les autres musulmans autour de vous qui n'ont pas encore compris et reçu cette clarté de cette da'wah, et vous êtes obligé de yani, rester là à rien faire, les bras croisés, et les gens ne vont pas vous écouter. Les gens ne vont pas vous écouter juste si vous faites vos petites affaires entre vous, tant que vous n'avez pas fait cette da'wah d'une façon ouverte et claire. Hein. Les gens ne vont pas vous faire confiance de cette façon-là, parce que ce n'est pas sérieux. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Là, pour si vous voulez vous faire quelque chose de vraiment bien, sérieux et tout, il faut faire les choses ouvertement et les gens doivent voir exactement c'est qu'est-ce que vous appelez, à quoi vous appelez et qu'est-ce que vous faites. Les gens veulent savoir. Et même s'il faut contacter les autorités françaises et aller leur parler, leur dire voici notre da'wah, il n'y a pas de danger pour vous là-dedans, on ne planifie pas rien contre vous, on veut juste éduquer nous-mêmes et les gens autour de nous. Sur les principes de cette religion-là. On n'est pas en train de comploter, de faire des attentats, de planifier quoi que ce soit de ces genres, de ces choses-là, même s'il faut qu'on vous aide à arrêter ceux qui planifient des choses comme ça, on va vous aider là-dedans. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est déjà, les gens qui font ces affaires-là, ils contredisent le Coran et la Sunna, et ils nuisent aux musulmans et à l'image de l'islam, et ils retardent, l'avancement de la religion dans le monde musulman. Donc, il n'y a pas de problème avec ces affaires-là, Inch'Allah, mais il faut juste vous organiser, mettez de l'argent ensemble, hein, et rassemblez cet argent-là, achetez-vous quelque chose, faites quelque chose entre vous, Inch'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner le tawfiq, bi'iznillah, si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère, et que vous avez la bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous aider, il va vous donner la baraka, hein, il va vous faciliter les choses, et vous allez voir que, comme j'ai dit à des frères hier, la da'wa des gens de Bid'a qui sont ici, elle va fondre comme la neige au soleil. Vous n'allez plus avoir aucun problème parce que la vérité et le mensonge, ils sont facilement distinguables. Et une des avantages du fait de vous organiser entre vous, c'est que la vérité et le mensonge vont être encore plus clairs et plus faciles à distinguer. Et c'est ça que Cheikh Mouqbil, hein, rahimahullah, il disait toujours aux salafiyins partout, distinguez-vous des gens de Bid'a. Séparez-vous des gens de bid'ah. Même dans certains durous, ils disaient, si vous devez vous faire une mosquée en pierre ou bien avec des morceaux de bois, cette mosquée, vous allez faire. C'est mieux que de prier avec les gens de bid'ah. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple, que à quel point il faut se distinguer et montrer une bonne image. Hein, avec le ilm, avec le khuluq, avec adab, avec ihtiram. Parce que vous allez clarifier les choses aux gens, vous allez voir la différence, Inch'Allah. Il n'y a pas de doute qu'ils vont accepter. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Il y a une risala maintenant, c'est une risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et ça s'appelle Al-Usul al-Sitta, les six fondements. Et yani, le Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a fait un sharh de ces fondements-là. Et donc, étant donné que je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, à Bordeaux, et combien de temps on aura vraiment pour continuer yani, dans l'explication de ces principes-là. Je pense que juste de commencer yani, dans ce livre, ça va être une introduction, Inch'Allah, puis en même temps, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit qu'on est, comme on dit, sérieux, sincère et tout. Ben, peut-être après, même si je suis pas là, je continuerai en France, au Canada. Puis vous pourrez les télécharger sur Internet, Inch'Allah. Le site c'est salafidemontréal.com. Salafi avec un S à la fin. De Montréal en un seul mot.com. Et vous allez rentrer là, vous allez voir tous les livres qu'on a étudiés jusqu'à maintenant à Montréal, puis les livres que j'ai fait à Bruxelles et les autres, et les khutbah, tous les trucs qu'on a fait depuis 3 ans sont là-dedans. D'accord? Et donc, on va commencer, on va faire ce qu'on peut, et puis le reste, Inch'Allah, c'est Allah qui décide. Donc, on va commencer. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cheikh, il dit, bon, il explique Al-Basmala, qu'est-ce que ça veut dire. On va citer ça, parce que dans chaque livre, au début de chaque livre, les ulama ils expliquent toujours de toute façon qu'est-ce que ça veut dire Al-Basmala. Donc, dans n'importe quelle autre base que vous allez écouter, dans les douze qu'on a fait dans le passé, vous allez écouter l'introduction, vous allez trouver l'explication du Basmala là-dedans. Et le Cheikh, il dit, il commence le texte, il dit ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام شوق ما يظن الظنون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذقياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab? Il parle de 6 différents points, hein, qui consistent en fait ou qui parle de 6 points qui ont rapport avec le manhaj, et qui ont rapport avec l'aqidah, et il les clarifie. D'accord? Et ce sont des points au sujet desquels beaucoup parmi les êtres humains ont divergé, ou même parmi les ulama, et yani, ça crée jusqu'à aujourd'hui maintenant, vous allez voir, les conflits qui existent maintenant entre les gens bid'a et les gens qui appellent à la sunna, eh ben ça tourne toujours autour de ces points-là, c'est des points fondamentaux, d'accord. Donc on va les mentionner en général, un après l'autre, et puis on va les expliquer inshallah et avancer un par un pour voir c'est quoi ces principes-là dont parle le Cheikh. Et il dit que, le Cheikh il dit en fait, en résumé de qu'est-ce qu'il dit ici dans cette introduction-là, c'est que ces 6 points. Et puis il dit que ça fait partie des choses qui sont très étonnantes, hein, et qui montrent la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ces points-là clairement dans sa révélation, et que malgré ça, tu vois que beaucoup parmi les êtres humains, même parmi ceux qui sont intelligents et parmi ceux qui ont une raison, parmi les êtres humains, ils ne sont pas capables d'arriver parfois à comprendre ces points-là alors qu'ils sont très clairs dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh il explique, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, il dit, Cheikh al-Islam Mohamed Abdul-Wahhab, lahu inayatun bil-rasail al-mukhtafara, allati yafhamuha al-ammi wa talib al-ilm. Wa min hadhihi al-rasail, hadhihi al-risala, sittat usul, azima wa hiya, al-asul awwal, al-ikhlas, wa bayanu diddihi, wa huwa al-shirk. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، وهذه أصول مهمة جدير بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. Donc le Cheikh il dit que Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, il a souvent fait des petits livres résumés pour clarifier certains points de la religion, hein, et ça c'est des choses qui aident, hein, tout le monde à comprendre mieux la religion d'Allah, que ce soit des musulmans ordinaires ou des tulab ilm, des gens qui sont à la quête de la science islamique, d'accord. Et c'est en fait, il y en a une des bonnes méthodes en fait que les ulama avaient, qu'ils écrivaient des petits livres résumés, qui résument la science, pour que les ulama par la suite les clarifient en plus de détails. Hein. Et ça c'est une des bonnes manières d'écrire pour faciliter l'apprentissage. Parce que le débutant dans les sciences islamiques, il ne peut pas rentrer directement dans des livres qui sont très très détaillés, parce qu'il va se perdre, il y a trop de détails. Et comme même à l'école, même quand on va à l'école, qui est même l'école française, eh ben quand tu commences par le primaire, hein, tu vas première année, deuxième année, etc. Tu peux pas, on peut pas te faire entrer direct hein, au lycée, sinon tu vas rien comprendre, tu sais même pas, si tu sais pas encore les bases, tu dois apprendre les choses qui vont te préparer, puis après tu vas être capable d'avancer plus loin. Et c'est la même chose dans l'ilm de l'islam ou dans l'apprentissage de l'islam. Le cheikh il dit que le premier fondement dont on parle dans ce livre-là, c'est l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la pureté de notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de nous écarter de tout ce qui peut ramener quelque chose qui peut nuire à notre foi et à notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comme par exemple qu'est-ce qui s'oppose à l'ikhlas, c'est le shirk billah. Et on va voir ça en détail. Le deuxième fondement, c'est de se réunir dans la religion. Et l'interdiction de se diviser sur les questions de religion. Hein. Donc ça, c'est un autre point qui est encore fondamental. Troisième fondement, d'écouter et d'obéir à ceux qui sont au-dessus de nous, qui ont l'autorité sur nous, c'est-à-dire les dirigeants parmi les musulmans. Le quatrième fondement, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la science de l'islam, et qui sont les ulama, et qu'est-ce que c'est le fiqh, la compréhension de l'islam et les fuqaha, et de parler de ceux qui essaient de ressembler aux ulama mais qui n'en font pas partie, hein, qui veulent se faire passer pour des ulama mais qui n'en font pas partie. Le cinquième fondement, c'est quoi? C'est d'expliquer qui sont les awliya d'Allah, qui sont les gens rapprochés, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour beaucoup de musulmans, hein, il y a un problème ou une erreur dans la compréhension de ce que ça signifie d'être un wali ou d'être qui sont les awliya. Beaucoup de musulmans ils se mélangent à ce sujet-là, donc je pense pas qu'on va avoir le temps d'arriver à ça, mais si jamais on a le temps, inshallah, on va pouvoir le clarifier bismillah. Après le cheikh dit al-asl sadis, le sixième fondement, c'est quoi? C'est le dernier, ça dit de réfuter les shubuhat ou la shubha qui a été amenée par le shaitan pour amener les musulmans en particulier et les êtres humains en général à abandonner le fait d'agir selon le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a des shayatines parmi les hommes et parmi les djinns qui utilisent toutes sortes de ruses, d'arguments pour essayer d'appeler les musulmans à dire vous n'avez pas besoin de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, suivez un tel ou un tel ou un tel en dehors du Coran et de la Sunna, même s'il contredit l'ordre d'Allah, suivez-le, et vous allez voir, peut-être que vous allez voir, si on a le temps d'arriver là, peut-être pas aujourd'hui, mais si on continue demain ou après-demain, on verra, Inch'Allah, on aura peut-être le temps d'arriver jusqu'à ce point. Bismillah. Le cheikh il dit, « وَهَذِهِ الْأُصُولِ » Ah oui, en passant, ça se pourrait bien qu'on change, si jamais je trouve un autre charge de ce livre qui est il est plus précis dans certains points, parce que Cheikh Ibn Uthaymeen des fois il détaille dans certains aspects et pas dans d'autres, et des fois les problèmes ou les questions qu'on a besoin d'aborder c'est d'autres points qui sont expliqués plus en détail par d'autres mashayikh, et donc parfois ça peut être plus bénéfique de prendre le charh d'un alim par rapport à un autre. Et donc si jamais j'ai l'occasion de trouver sur internet un charh de notre cheikh qui attaque ou qui touche à certains points qui nous concernent plus ici, nous en tant que musulmans ici au Canada ou bien en France ou au Canada ou en Occident en général, on va essayer de profiter aussi de ces notions-là, Inch'Allah. Donc le cheikh dit donc que ce sont des points, comme on peut tous constater, qui sont très importants puis qui méritent qu'on s'y attarde, et puis on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'explication et dans les commentaires qu'on va faire sur, Inch'Allah, ce texte-là, d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter dans ce sujet. Le cheikh il commence en citant le texte du premier fondement que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné. Et il dit, Ikhlas ud-din lillah, c'est le premier fondement. Ikhlas ud-din lillah. تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Donc le cheikh il commence en expliquant le premier fondement et il dit que c'est de rendre notre religion uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre adoration doit être vouée à Allah seul. On n'a pas le droit d'offrir à quiconque ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, d'ibadah. D'accord? Et ça c'est al-ikhlas, c'est ce que ça signifie. Que tu adores Allah seul et qu'il n'y a rien avec lui qui mérite l'adoration et qu'il n'a aucun partenaire. Et en même temps, ça implique en même temps qu'on explique qu'est-ce qui s'oppose au tawhid, hein, c'est-à-dire à shirk billah. Parce que si tu veux vraiment bien comprendre le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument que tu connaisses qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire à shirk. Hein. Et en principe, c'est que la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de connaître ce qui s'y oppose. Ok? C'est comme si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la chaleur. Quand tu connais le froid, c'est très facile de comprendre ce que c'est la chaleur par la suite. Et ainsi de suite. Les opposés se clarifient les uns les autres. Ensuite, le chef il dit, et le fait que la plupart du Coran, si vous lisez dans le Coran, vous allez voir que la plupart de ce qui est écrit dans le Coran, hein, c'est pour clarifier ce fondement-là. C'est le plus grand fondement dans l'islam. C'est la ilaha illallah, en fait. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous lisez dans le Coran, la plupart de ce qui était révélé dans le Coran, c'est pour clarifier ce fondement-là, dans un langage que le plus bête parmi les gens, parmi les musulmans, est capable de comprendre. C'est ce que le cheikh dit. Hein. Le plus simple parmi les musulmans, il est capable de comprendre les principes du tawhid qui sont mentionnés et expliqués dans le Coran. Puis, le cheikh il dit que par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la plupart de la Ummah, par la suite, eh ben, ils ont été détournés. Ils ont été déviés à ce sujet-là, parfois, par le shaitan. Et le shaitan a réussi à leur faire croire, ou à leur faire comprendre que la pureté ou la sincérité dans l'adoration et dans la religion, que si tu l'appliques et tu le respectes, tu diminues ou tu manques de respect envers les hommes pieux. Et que tu n'as pas donné aux hommes pieux et aux hommes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala leur respect et leurs droits. Hein, parce qu'ils ont dit, par exemple, si par exemple quelqu'un qui appelle au tawhid, il vient et il dit aux musulmans, à certains musulmans, lorsqu'ils vont adorer les tombes et qu'ils vont voir les awliya et qu'ils vont leur demander des vœux et des choses comme ça, et tu vas aller les voir, tu vas leur dire ne faites pas ça, ça c'est shirk, ça c'est contraire à l'islam. Ils disent quoi? Ils disent, ah, vous n'avez pas de respect pour les salihin. Vous n'aimez pas les salihin. Et donc, vous manquez au droit des salihin. Donc, ça, c'est la shubha que le shaitan a mis dans la tête de ces gens-là. Ah, vous n'aimez pas les gens vertueux, les hommes pieux. Vous n'avez pas de respect pour eux. Et eux, ils ont fait comprendre aux gens que, yani, le shirk billah, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ça équivaut à aimer les salihins. Hein. Ils disent, non, on ne fait pas le shirk. On respecte les salihins. On leur montre de l'amour et du respect. Hein. Donc, ils veulent déformer la réalité de qu'est-ce que signifie le shirk en utilisant d'autres termes pour essayer de le clarifier. Hein. Si on ne fait pas le shirk, on fait juste les respecter. D'accord? Donc, ils donnent à quelque chose un nom différent pour le rendre halal. Comme certains, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vers la fin des temps, les gens ils vont boire l'alcool, ils vont l'appeler par un autre nom. Hein? Et bien c'est la même chose pour le shirk. Ils veulent rendre le shirk halal en lui donnant un autre nom. Hein? C'est tawassul. Ou bien c'est mahabbat al-salihin, d'aimer les salihin, etc. D'accord? Donc là, on va lire qu'est-ce qu'il dit Cheikh Ibn Uthaymeen à ce sujet-là. Il dit, al-ikhlas lillahi ma'naah. أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده مخلصا لله تعالى في محبته مخلصا لله تعالى في تعظيمه مخلصا لله في ظاهره وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله فإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا. Donc le cheikh il explique premièrement, il dit que l'ikhlas pour Allah, d'avoir de l'ikhlas pour Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes intentions, quand tu as l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'intention de le faire dans le but de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et que ça t'amène vers la maison de sa générosité, c'est-à-dire le paradis. Donc dans le but d'arriver au paradis. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant à te rapprocher à lui et en essayant d'atteindre le but ultime, c'est-à-dire d'arriver jusqu'au paradis. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ça signifie quoi? Ça signifie que l'être humain, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son intention, quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit rendre son adoration pure uniquement pour Allah. Et il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime plus que tout. Et il fait que son amour soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et sincère et pur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et son respect, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas seulement dans son apparence, ou dans son extérieur, mais également dans ce qu'il a dans son cœur. Il tourne son cœur et son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, vers Allah subhanahu wa ta'ala avant tout et par-dessus tout. Il aime personne au-dessus d'Allah, et il met Allah subhanahu wa ta'ala en avant de quiconque. Et quand il fait une adoration, il ne recherche rien d'autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'essaie pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour autre chose parmi les choses de la dunya. Et on va détailler ça plus tard. Et le cheikh il dit, et le but, pourquoi il fait tout ça, c'est dans le but d'atteindre à la fin la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-jannah, le paradis. Et le cheikh il mentionne des preuves de ça, et il mentionne des versets dans le Coran. Le premier verset c'est Sourate Al-An'am, le verset 162 et 163, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, ô Muhammad, aux gens, ma prière et mon nusuk, c'est-à-dire mon sacrifice, et ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. La sharika lahu, il n'a pas de partenaire. Wa bidhalika umirt, et c'est ça ce qu'on m'a commandé, et je suis le premier à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier parmi les musulmans. C'est-à-dire le premier à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, il mentionne un autre verset, c'est Sourate Az-Zumar, le verset 54, qui dit « وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » C'est-à-dire, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers votre Seigneur, repentant et soumettez-vous à lui. C'est-à-dire, soumettez votre visage à lui seul. Il mentionne un autre verset aussi, c'est le verset 163 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel il dit « Et votre ilah, hein, celui que vous devez adorer, c'est un Dieu unique, et il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui, et il est Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. » Et il dit un autre verset par la suite, qui est le verset 34 dans Sourate Al-Hajj, qui dit « Et votre Dieu ou votre divinité est une seule et unique divinité, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, alors soumettez-vous à lui. » Après le cheikh il continue en disant « قَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى جَمِيعَ الرُّسُلِ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ كما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى سلم هذا التوحيد أو إضعافه حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. Donc le cheikh il continue et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers, comme il dit, pour clarifier cette question, la question de l'ikhlas. C'est le but fondamental pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers d'Allah. Il mentionne le verset 25 dans Surat al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager, excepté pour lui révéler de dire aux gens que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ça dans son livre, comme le Cheikh a dit, d'une manière ou dans un langage que le plus simple parmi les êtres humains est capable de comprendre. Hein, il n'a pas utilisé un langage très très très sophistiqué, très très compliqué, hein, comme les philosophes quand ils commencent à parler de toutes sortes de trucs, hein, que personne ne peut comprendre et personne ne peut les suivre. Allez, ils vont parler pendant des heures et des heures des questions philosophiques de, qui ont rapport avec la théologie soi-disant, et puis à la fin, personne n'a compris excepté peu d'entre eux, parce que la plupart de ce qu'ils disent c'est basé sur l'ignorance et l'égarement. Hein, mais non, quand vous retournez au Coran, vous retournez à la Sunna, vous trouvez que la question du Tawhid a été expliquée dans un langage simple que tout le monde est capable de comprendre. Le paysan, le pâtissier, le boulanger, l'ingénieur, le docteur, le médecin, l'artisan, peu importe son niveau d'éducation, son statut, il est capable de comprendre les paroles d'Allah qui ont rapport avec le Tawhid, parce que c'est expliqué dans les termes les plus simples que le plus éduqué des hommes est capable de comprendre, et le plus simple parmi les hommes est capable de comprendre. Hein? Donc, alhamdulillah. Et donc, le cheikh, il explique et il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a clarifié ça également, non seulement c'est clarifié dans le Coran, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunnah, il a également clarifié le tawhid et la signification de l'ikhlas de plusieurs façons, et il a nettoyé, hein, cette notion de tawhid de toute chose qui pourrait venir, hein, le salir ou le rendre le corrompre, et toutes les portes ou toutes les voies qui pourraient amener à diminuer la pureté de ce tawhid, de cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en Dieu unique, ou l'affaiblir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé toutes les portes qui pourraient affaiblir ou diminuer le tawhid de quelqu'un. D'accord. Et il donne le cheikh un exemple en mentionnant un hadith ou une histoire qui est arrivée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Masha'allahu wa shi'ta. C'est comme tu veux et Allah. Hein, comme Allah a voulu ainsi que toi. Hein, comme il a dit toi, si tu veux et Allah veut, hein, c'est comme si il a mis la volonté d'Allah et la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à égalité. Masha'Allah wa shi'ta. Au lieu de dire Masha'Allah seulement, il a rajouté avec ça la volonté, il a dit wa shi'ta, c'est-à-dire que toi tu as voulu aussi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu tout de suite. Automatiquement, il a entendu ça, il a dit, est-ce que tu veux me mettre un égal, ou tu veux faire de moi un égo, ou un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux me mettre au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala, dit si Allah a voulu. Seulement. Hein? Parce qu'il a utilisé le waouh, et ce waouh-là, ça implique quoi? Ça implique qu'il y a une égalité entre les deux. Hein? Et dans d'autres hadiths, il y a l'explication que si tu dois dire quelque chose dans ce sens-là, tu dois dire summa, ensuite, pour qu'il y ait un degré de différence entre les deux, pour pas qu'on considère qu'il y a une égalité entre Allah et sa création. Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre Allah et sa création. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé que cet homme fasse un lien ou une égalité quelconque entre sa volonté à lui et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de mettre à égalité la volonté d'une créature et la volonté du créateur, ça c'est une forme de shirk. Hein? C'est une forme de shirk, hein? Al-asma wa sifat. Parce que ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mashi'ah, ça, c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il n'y a personne qui peut égaler Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Ensuite, le cheikh il dit, وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ اتِّخَاذِ النِّدْ. Il a fait que celui qui dit cette chose-là, c'est comme s'il a pris un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou il a mis un seigneur avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il a commis le shirk. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله جل وعلا ذلك وذلك وجعل ذلك من الشرك بالله فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو نعم فقد كفر أو أشرك. Donc ça c'est encore un autre exemple que le cheikh a mentionné. Il dit وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que parmi les formes de shirk également, il y a le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens ici qui ont pris l'habitude de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jurent par leur mère, ils jurent par la tête de leur père, ils jurent par la Kaaba, ils jurent par... Il y a toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie du shirk. Hein? Et donc, beaucoup de gens, ils ignorent ça. Donc c'est très important de comprendre que de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk, et donc c'est parmi les plus grands péchés. Et donc c'est haram. Hein? Et le shirk, il dit pourquoi c'est, ça fait partie du shirk. Il dit que parce que lorsque tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui donnes un respect qu'il ne mérite pas. Hein? Que seul Allah mérite. Et il dit, وحينما قدم عليه وفد فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. Donc le cheikh il donne un autre exemple. Il dit وقد أخذ المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد وسده طرق الشرك. Donc le cheikh il dit que une fois il y a une délégation qui est venue pour rencontrer le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Okay. Et cette délégation-là, elle a dit, ô messager d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Le maître d'entre nous et le fils du maître d'entre nous, du meilleur d'entre nous, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les hommes, ô vous les gens, dites ce que vous dites, mais que le shaitan ne vous fasse pas tomber ou vous fasse pas égarer, parce que je suis Mohammed, le messager, le serviteur d'Allah et son messager. Et je n'aime pas que vous m'éleviez à un niveau plus élevé que celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis. D'accord? Et donc c'est pour clarifier aux gens que essayez pas de m'exalter, de me respecter, d'exagérer dans ma glorification, comme les chrétiens ont fait par exemple avec Isa ibn Maryam. Hein? Donc c'est pour ça. Et c'est pour clarifier encore une fois, on ne doit pas exagérer à son sujet. Et le cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen, il dit que l'auteur de ce livre, ou de ses six fondements, il a écrit un chapitre spécial pour ce sujet-là dans son livre Kitab al-Tawhid, et il l'a intitulé le chapitre qui parle de la protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mis pour le Tawhid, pour protéger le Tawhid, et le fait qu'il a fermer toutes les voies qui amènent au shirk. Hein. C'est-à-dire, des fois, il y a des formes de shirk qui sont majeures, qui font sortir quelqu'un de l'islam complètement, et il y a des formes de shirk qui sont mineures. Okay. Et parfois, les formes de shirk qui sont mineures, elles sont considérées comme shirk, mais elles ne te font pas sortir de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a clarifiées dans le but d'empêcher les gens de tomber dedans parce qu'elles risquent de t'amener au shirk akbar. Elles ne sont pas des shirks majeurs en elles-mêmes, mais elles peuvent te faire tomber dans quelque chose de shirk majeur par la suite si tu tombes dedans et si tu persistes à les faire. Et donc, ça fait partie des exemples par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé le tawhid et les limites du tawhid. Ok? Parce que c'est pas juste d'interdire le shirk, c'est-à-dire le shirk akbar jusqu'à la limite, tu dis, on laisse les gens aller jusqu'à ce qu'ils tombent dans le shirk. Non. Même avant, même quand ils approchent un petit peu du shirk, même s'ils sont pas encore dans le shirk, mais tu vois qu'ils sont en train de faire des choses qui les approchent de ça, eh bien déjà tu mets une barrière pour empêcher qu'ils approchent. Hein. Donc c'est l'exemple que le shirk a donné. Et dans ce chapitre-là, dans Kitab al-Tawhid, vous allez voir beaucoup d'exemples de ce genre-là dans ce livre. Après, le shirk dit « كما بيّن الله تعالى الإخلاص وأظهره وأظهره وبين ضده وبين ضده وهو الشرك كما بين الله الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شيخ الدين comme Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la pureté dans l'adoration et le tawhid, qu'est-ce que ça signifie et comment il l'a clarifié, eh bien il a également expliqué ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, et il mentionne des versets pour montrer ça, comme par exemple que le verset qui est un des versets yani, très important à ce sujet-là, que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk, mais en dehors de ça, il pardonne tout autre péché à qui il veut, d'accord. Ça veut dire que tu peux mourir sur un péché, quelqu'un par exemple dans sa vie, il est mort sans faire tawba, il faisait le zina, ou il buvait de l'alcool, ou il faisait d'autres péchés parmi les kaba'ir, mais il est mort sans faire de repentance. Les ulama d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils ont clarifié que la personne qui meurt dans cet état-là, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide, il peut le faire rentrer direct au paradis par sa miséricorde. Hein? S'il décide de lui faire miséricorde, il le fait rentrer au paradis direct, même s'il est mort sur ce péché-là. Parce que peut-être qu'il a fait des hasanats, ou qu'il a eu des maladies qui ont effacé certains de ses péchés, etc. Et s'il veut, par contre, par sa justice, il peut choisir de le punir et de le faire rentrer en enfer, pour une certaine durée, que seul Allah connaît. Mais il ne restera jamais éternellement en enfer tant qu'il a eu le tawhid et qu'il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui va rester éternellement en enfer pour toujours, c'est le mushrik et le kafir. Celui qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou qui a rejeté la foi. Ces deux-là, ils ne sortiront jamais de l'enfer. Mais celui qui a le la ilaha illallah, qu'il a appliqué, qui a agi selon ses principes et ses fondements, et qui n'a pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les formes de shirk majeures, et qui est mort sur le tawhid, même si il a juste un atome de foi, il va sortir de l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne de ceux qui ont un atome de foi dans le cœur vont rester dans l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sortir tous les mouahidines de l'enfer à un certain temps. Tous ceux qui ont fait des péchés parmi les mouahidines, parmi ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont rentrés dans l'enfer avec les kuffars et les mouchriquins, à un certain moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala va les sortir, il va laisser uniquement dans l'enfer les mouchriquins, les kuffars et les munafiquins. Les munafiquins font partie des kuffars parce qu'ils ne croient pas en l'islam. D'accord? Donc ça c'est un fondement très important et c'est expliqué dans ce verset-là. « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui. « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Donc ça implique beaucoup de choses en fait. Ce verset-là, si on l'expliquait, comme les ulama l'ont expliqué en détail, eh bien on pourrait passer des cours et des cours juste à expliquer ce verset seulement. Parce que déjà il faut connaître c'est quoi le shirk, pour l'éviter, si tu le connais pas, tu peux pas t'en protéger, ça va tomber dedans facilement, et le shirk c'est pas juste, il y en a adorer une idole, il y en a qui pensent que c'est juste adorer une idole, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a beaucoup d'autres manifestations du shirk que les gens font constamment et régulièrement, ils ignorent que c'est shirk, donc c'est pour ça que c'est très important de l'étudier, de le comprendre en profondeur, et de pas se sentir en sécurité par rapport au shirk, de dire ah ça y est, j'ai lu deux trois livres sur le tawhid, ça y est, je suis protégé maintenant, je peux plus faire le shirk. Non, c'est pas une affaire théorique, tu l'as appris, tu l'as mémorisé, puis ça y est, tu es protégé avec. Non, parce que dans la réalité, dans la vie de tous les jours, quand des circonstances arrivent, les situations se présentent, c'est là que ta foi est testée, c'est là que ta foi est mise à l'épreuve, et cette théorie que tu as appris, c'est à ce moment-là que tu vas devoir la mettre en application. Et si tu l'as juste appris par cœur, mais que tu l'as pas dans ton cœur réellement, eh ben tu vas pas l'appliquer lorsque ça va être le temps de l'appliquer dans certaines situations. Et donc tu risques parfois de glisser, de tomber, hein, sans même que tu t'en aperçoives. Donc ça c'est important de prendre ça en considération. Et le cheikh il donne un autre verset aussi qui dit وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Et il dit aussi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر. شيخ الدين que Allah سبحانه وتعالى il dit dans le verset dans sourate An-Nisa le verset 36, adorez Allah et ne lui associez rien, n'associez rien avec lui dans l'adoration. Donc Allah il nous ordonne de l'adorer seul, de l'unifier dans notre adoration, et il nous interdit de faire le shirk. Donc ça équivaut au témoignage de la ilaha illallah, hein. Il y a la négation et l'affirmation. Tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré, comme dans ce verset là. Après il dit voilà, et nous avons suscité en chaque nation un messager pour qu'ils disent aux gens, adorez Allah seul et écartez-vous du tawhid. Et le tawhid c'est quoi? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les shaytan, les idoles et toutes les autres formes de shirk qui sont faites par les êtres humains, tout ce qui est adoré par Allah, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est considéré comme un tawhid. Hein? Celui qui demande d'être adoré ou qui est satisfait d'être adoré, ou yani, toutes les autres définitions que les ulama ont données à ce sujet-là. Et comme Ibn Qayyim a expliqué dans son livre Madarij al-Salikin, il dit que يعني c'est كل من تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع. Tout ce qui a dépassé sa limite parmi les choses qui sont obéies ou qui sont adorées, qui sont suivies. Puis les détails de ça vous allez trouver dans Al-Usul al-Thalatha avec l'explication. Le cheikh il a expliqué ça en détail. Après il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Jabir par l'imam muslim, qui dit que celui qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il entre au paradis. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il fait le shirk avec lui, il entrera en enfer. Ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là tu sais que si tu rentres, que si tu meurs, que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas fait de shirk, c'est garanti que tu rentres au paradis. Hein? Donc déjà, c'est très important. Hein? Ça doit être à la promesse, mais si tu sais par contre que tu fais le shirk, c'est garanti que tu rentres en enfer. Ça c'est donc important de comprendre bien comme il faut ce point-là. Et le shirk il dit que le shirk est en deux catégories. Il dit « al-shirku naw'an ». Al-naw'u l'awwal, shirkun akbarun mukhrijun anil millah. Wa huwa kullu shirkin atlaqahu shari'u. Wa huwa munafin lit-tawhid. منافة مطلقة مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يدعو غير الله تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لا نفاذ لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا حاضر إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيها فيما كتبه أهل العلم. Donc le cheikh il dit, pour expliquer la première catégorie, il dit que le cheikh se divise en deux catégories. La première catégorie c'est quoi? C'est le cheikh qui est majeur et qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Celui qui le fait, il quitte l'islam, ça c'est grave, hein, et donc c'est quelque chose de sérieux, Et donc c'est important à tout musulman de le connaître. De connaître c'est qu'est-ce qui fait que tu es dans l'islam, qu'est-ce qui te fait rentrer dans l'islam, et qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam. Ça c'est la chose la plus fondamentale, la plus importante qu'un musulman doit connaître. Parce que, en particulier lorsqu'on est né musulman, on prend la chose pour acquis qu'on est musulman. Et c'est presque héréditaire. C'est-à-dire c'est... mes parents étaient musulmans, mes grands-parents étaient musulmans, mes arrière-grands-parents étaient musulmans, et donc je suis musulman, peu importe qu'est-ce que je fais. Il y en a même qui vont jusqu'à dire je ne crois pas en Dieu, mais je suis musulman. Allah al-Musta'an, yani. Non, mais c'est vrai. Comme il y a des juifs qui disent je ne crois pas en Dieu, mais je suis juif. Il y en a des musulmans qui disent ça. Et il y a même des musulmans, comme j'ai rencontré à Montréal une fois, qui venait de Paris, il m'a dit je suis moitié chrétien, moitié musulman. Parce que ma mère est chrétienne et mon père est musulman. Donc je suis moitié musulman, moitié chrétien. Comment tu peux être moitié musulman, moitié chrétien? De croire au christianisme, c'est une négation de croire de l'islam. Et de croire en l'islam, c'est une négation du christianisme. Donc comment tu peux croire à deux religions contradictoires en même temps? Ça, ça prouve que quelqu'un n'a pas compris la réalité de ce que signifie être musulman. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on veut expliquer, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait rentrer dans l'islam et qu'est-ce qui te fait sortir? Si tu sais ce qui te fait sortir, eh bien, ça va te protéger. Si tu le suis et si tu le respectes, ça va te protéger de sortir de la religion et des limites de la religion. Le cheikh, il dit, c'est quoi ce shirk-là? C'est quoi cette forme de shirk majeur? Il dit, cette shirk majeur, c'est toute chose que Allah et son messager ont déclaré comme étant shirk dans la révélation, et que c'est en opposition au tawhid d'une façon qui l'oppose totalement. D'accord? Ça c'est une définition, disons, un peu théorique. Maintenant il va donner des exemples pour faire comprendre la chose de façon plus claire. Il dit, c'est comme par exemple que tu détournes une forme quelconque d'adoration pour autre que Allah. Peu importe quelle forme d'adoration tu fais, tu la fais mais pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est shirk billah. Et il donne un exemple. Et quand on dit à autre qu'Allah, ça implique n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, tu détournes ton adoration pour un prophète, pour un homme, pour un animal, pour une pierre, pour un arbre, pour le soleil, pour la lune, pour une idole, pour une statue, un arbre, n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui donnes ou tu lui offres une forme quelconque d'adoration. Tu as commis le shirk avec cette chose. Donc, ça c'est un exemple. Le shirk nous dit tu adores autre qu'Allah, et ça c'est général. Puis là, il donne des exemples spécifiques de différentes formes d'adoration, comme par exemple, que tu fais la salat pour autre qu'Allah, tu pries autre qu'Allah. Ou tu fais al-dhabh, tu sacrifies l'animal pour autre qu'Allah. Ou bien tu fais un vœu pour autre qu'Allah. Des fois, par exemple, il y a des gens qui se disent musulmans, quand ils ont une maladie, quand ils ont un problème, comme dans certains pays musulmans, ils vont faire on va dire que c'est le moment de la récolte. Et là, ils vont voir le wali. Dans chaque village, il y a un homme, soi-disant un homme pieux, qui a été enterré. On a fait au-dessus de sa tombe un dôme, et les gens du village, ils viennent le visiter. Et parfois, c'est pas seulement les gens du village, mais c'est des gens de plein d'autres villages qui sont des kilomètres à la ronde. Et même, dans certains cas, c'est des gens qui viennent de d'autres pays musulmans qui viennent pour visiter cette tombe-là et pour demander à cet homme qui est enterré dans la terre des faveurs et des bénédictions ou d'autres choses. Et donc, ils vont demander, par exemple, au wali, ils vont dire, bon, là c'est la récolte et on a besoin d'une bonne récolte, donc si tu nous donnes une bonne récolte, l'année prochaine, je vais venir égorger un mouton à ta tombe. Ou des trucs comme ça. Et là, l'année d'après, s'ils ont une bonne récolte, ils s'en vont, ils égorgent le mouton, et puis, pour récompenser ça, ils donnent ça aux enfants du wali. Ou bien ils le donnent aux gens qui sont là-bas, ou Allah voit comment ils le distribuent. Donc ça, c'est une forme de shirk. Ou bien ils sacrifient pour les djinns. Ils veulent construire une maison à un endroit, et là ils commencent à creuser, ils font les trous et tout, mais avant, ils demandent la permission aux djinns, parce qu'ils ont peur que s'ils ne font pas ça, le djinn va peut-être se venger par la suite, puis ils vont hanter la place ou quelque chose comme ça. Alors pour demander à permission, là ils amènent un animal qui sacrifie pour le djinn, pour que par la suite ils ne vont pas avoir de problème à cet endroit-là avec le djinn, ou soit bizarre. Ça aussi c'est une forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les pays musulmans, vous voyez ça, dans les sites de construction, quand ils commencent à faire construire, ils amènent un mouton, ils commencent à égorger le mouton, et des trucs de ce genre. Ça c'est une autre forme de shirk billah, mais ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Cheikh nous donne un autre exemple, il dit celui qui est invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous en voyez beaucoup dans des cas de ces choses-là dans les pays musulmans. Hein? Il y a des gens par exemple qui, quand ils ont un malheur, ils vont demander l'aide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah arifna, ou bien vous demandez à un wali, Ya Tijan arifna, Ya Abdul Qadir Jilani, Al-Madad, Ya Ali, Al-Madad, Ya Hussein. Là, vous les voyez en Karbala, là, avec les satellites, depuis qu'il y a eu l'invasion des Américains en Irak, vous voyez que maintenant les Shi'as ils n'ont aucune interdiction, aucune limitation, là vous les voyez dans leur égarement total. Ils font tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant et ils font le Hajj à chaque année aux tombes des gens qu'ils prétendent être des Awliya ou des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des descendants de Ali. Et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là-bas eux leur Hajj, c'est là-bas. Et il y en a d'autres que c'est en Égypte ou à d'autres places. Ils vont, en Égypte, dans certains endroits en Égypte, et il y a environ 3 millions de musulmans par année qui vont faire des pèlerinages à certaines tombes, comme Ahmed al-Badawi en Égypte, ou dans d'autres endroits, Zainab ou d'autres. Ils ont même prétendu que la tête de Hussein, la tête du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, elle est là-bas, et que son corps est à Karbala. Mais les Shia, ils font à Karbala, puis des fois même ils viennent en Égypte aussi. Et ils font le tawaf là-bas, ils prennent de la terre là-bas, ils prient là-dessus, ils font des petites pierres pour quand ils se prosternent, ils mettent leur tête là-dessus. Et à Najaf, aussi la même chose, et dans différentes villes de ces régions-là. Et c'est pas juste pour ceux-là, mais pour d'autres aussi parmi les ulama et les hommes pieux qui sont morts dans le passé. Parfois c'est même pas des hommes pieux, parfois c'était des djalines, des shayatines, et ils les ont considérés comme étant des awliya, alors que ce n'étaient même pas des awliya. D'accord? Donc c'est pour vous dire que quand ils ont des malheurs, ils les invoquent. Par exemple, il y a un soufi sénégalais, Al-Hajj Omar Tal, il faisait quoi? Dans son livre qu'il a écrit, Ijtima'u Hizb al-Rahim, ou Rima'u, اجتماع رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم الى اخره من كتابه كما اي ان في ذا الكتاب لا كان يابي une femme quand elle a eu un malheur elle a crié elle a dit يا عبد القادر elle appelle عبد القادر الجيلاني elle a pas été sauvée donc il lui a dit appelle احمد تيجان et là elle a appelé احمد تيجان elle a été sauvée. Elle a depuis ce temps-là été tchitchanie. Et c'est des exemples comment ils prennent des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le cheikh il dit ou bien, parfois tu vas invoquer quelqu'un qui est absent pour te sauver d'un malheur ou d'un problème, ou par exemple quelqu'un est en train de se noyer, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il va appeler quelqu'un qui est absent. S'il y a quelqu'un qui est présent, par exemple tu es dans l'eau en train de te noyer, tu vas te noyer, tu vois quelqu'un sur le bord de l'eau, tu l'appelles, tu dis viens me sauver ou à l'aide, au secours, ça c'est pas shirk, parce que la personne est capable de plonger, de venir t'aider, de te sortir de l'eau. Mais si tu es dans l'eau en train de te noyer, puis tu vas appeler un wali qui est mort ça fait 1000 ans, qui est enterré dans sa tombe, puis tu lui dis viens me sauver, il y en a parmi les soufis, ils disent si tu es dans un bateau, puis tu vas te noyer, tu appelles le wali, sa main va sortir en dessous de la mer, il va soulever le bateau, puis il va l'amener à destination, et il va être en sécurité. Ça c'est des khurafat, des sortes de superstitions que les gens, parmi les soufis, ils répandent, et les awam, parmi les musulmans, ceux qui n'ont pas étudié l'islam, qui ne connaissent pas le tawhid, ils entendent ces histoires-là, puis ils disent, ils pensent que c'est vrai. Oh, mashallah, Allahu Akbar. Hein? Donc ça c'est l'ignorance. Et donc le cheikh il dit que il y a beaucoup de, il y a d'autres explications de, qui clarifient ça. Et des fois, parmi les Mubtadi'a et les Mushrikines, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des exemples comme ça, par exemple, ils disent, si vous dites que d'appeler quelqu'un c'est shirk, donc ça veut dire que si tu vois quelqu'un et tu as besoin d'aide, tu l'appelles, ça c'est shirk aussi. Ils essaient de faire une shubha pour dire aux gens, ah, faut pas, si vous dites que d'appeler quelqu'un c'est shirk, eh ben, il faut pas appeler non plus quelqu'un qui peut vous aider. Et ils font pas de distinction entre un mort et un vivant. Entre quelqu'un qui est juste à côté de toi, puis quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Donc ça c'est parmi les formes d'égarement ou d'ignorance que, qu'ils essaient de lancer aux gens pour les tromper dans ce sujet-là. Ensuite, ils mentionnent la deuxième catégorie de shirk. On va juste le mentionner, puis l'explication on le laissera peut-être pour demain, les détails, parce que la prière va être bientôt. الشيخ قال النوع الثاني الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافة مطلقة. الشيخ قال que la deuxième catégorie de shirk c'est le shirk mineur, une forme de shirk mineur, et il dit que c'est toute action ou parole au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a attribué la qualification que ça faisait partie du shirk. Mais il ne s'oppose pas au tawhid d'une façon totale ou absolue. Hein? Il s'oppose au tawhid mais pas d'une façon absolue, puis il va donner des exemples de ça. Parce que dans certains cas, ça peut être shirk majeur et dans d'autres cas ça peut être shirk mineur selon l'intention qui est dans le cœur de la personne qui commet cette forme de shirk là. Donc le shaykh il dit مثل الحلف بغير الله فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر ومثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أو عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. Donc le cheikh il donne des exemples et il dit que, par exemple, de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que tant que la personne qui jure par autre que Allah, elle ne croit pas que autre que Allah mérite le même respect que Allah, et bien dans ce cas-là ça reste toujours un shirk, et la personne est un mushrik mais d'un shirk qui est mineur. Donc ça ne fait pas quitter l'islam. Parce qu'il jure par autre, il a juré par autre que Allah, c'est un shirk, mais ça ne fait pas, mais étant donné qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne par qui il a juré, ou cette chose par qui il a juré, ne mérite pas le même respect et la même grandeur que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'a pas commis shirk majeur, ça reste un shirk mineur. Mais si, quand il jure par autre qu'Allah, il donne à cette chose par laquelle il a juré, ou à la personne par qui il a juré, le même respect qu'on doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le considère grand, aussi grand que Allah, ou bien plus grand que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ça c'est shirk akbar dans ce cas-là. Ça dépend de l'intention de la personne dans son cœur lorsqu'elle jure par autre que Allah. Mais dans tous les cas, c'est haram de jurer par autre que Allah et ça fait partie du shirk, soit mineur ou majeur. Et il dit aussi que arriya c'est une forme de shirk mineur. C'est-à-dire quand tu fais une action dans le but de te montrer, ou tu parles, ou tu dis des bonnes choses dans le but de te faire glorifier par les gens. Ça rentre dans al-shirk al-asghar, shirk mineur. Il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a dit que ce que je crains le plus pour ma umma ou pour vous, c'est le shirk mineur. Et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que c'était, il a dit que c'était arriya, c'est-à-dire de faire quelque chose pour se montrer. Ok? Et le shirk il dit que dans certains cas, même arriya, ça peut devenir même un shirk majeur dans certains cas. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, puis les détails de cette question-là, on va l'expliquer dans une autre occasion, soit après la prière, ou bien soit demain, inshallah, si on ne peut pas le faire après la prière, puisque on nous interdit dans toutes les mosquées. Donc, Allah nous taille. Donc, yani, donc on va s'arrêter là, puis, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.